dit au premier cours le fait que le salafi, il doit être minutieux. Il doit être minutieux lorsqu'il parle, lorsqu'il apprend, lorsqu'il enseigne, lorsqu'il rapporte, il doit être minutieux. Tu ne peux pas te permettre, toi, en étant quelqu'un qui se prétend des gens de la sunna, un frère salafi, de rapporter des paroles comme cela. J'ai entendu dire comme ça, j'ai vu comme cela, où il faut être minutieux.